Nous sommes le 13-2 Verdet 1131. Vous venez de quitter Baronnie. Pour la première fois depuis quelques jours, vous soufflez tous. Pour la première fois, vous êtes heureux de vous retrouver dans la rue, l'air vous soulage, le faisceau de lumière tapant la rue vous permet de reprendre vie après les événements de ces derniers. En un mois, jour pour jour, vous avez sûrement vécu plus de choses que dans votre vie entière. Et pour cette fois, vous êtes relâché sans genre d'express à exécuter. Ils allaient s'occuper de l'enquête du Lys Noir, et quant à vous, vous devez reprendre une vie après tout cela. Kornilov, tu es légèrement remis de tes séquelles physiques. Mais tu te sens encore plutôt faible. Tu sens que ton corps, lorsque tu as exécuté un effort, a un peu du mal à rentrer effectivement en activité. En tout cas, tu t'essouffles bien plus rapidement à ce que tu t'étais habitué. Victor, c'est une fatigue de plomb. Et tu le sais, cette fatigue ne se guérira pas en dormant. Il te faudra du temps pour reprendre la forme après toutes les épreuves mentales que tu as subies. Enchaînant mise à la gêne sur mise à la gêne, ils n'ont eu aucune pitié pour toi. Je rappelle que mise à la gêne, si vous avez besoin de vos souvenirs, hein, il est dans les expressions, c'est-à-dire la mise à la gêne, hein, c'est un interrogatoire. Bref, tu as passé plusieurs jours du coup de mise à la gêne, plusieurs jours sur lesquels on t'a fait plus ou moins pression mentalement afin de s'assurer de la véracité de ton discours. Tu te demandes quand même quelle était bien l'utilité de Baronnie de te révéler son identité après les premiers jours. Il n'empêche qu'aujourd'hui, hein, tu es, comme tu le sais, dédouané de toute conséquence, étant donné que ton acte est passé par un acte de bravoure combattant le Lys. Esther, même si tu ne sens pas directement impacté hein, par les événements, ça va, tu n'as pas vu vraiment de séquelles physiques ou mentales, faut pas oublier que tu as malgré tout vécu les événements du point de vue des victimes, et que depuis, tu as toujours cette petite voix dans la tête, tu peux me contredire si ce n'est pas le cas, mais il me semble que tu as toujours cette petite voix qui te demande de surveiller tes arrières, d'autant plus que tu sais qu'il procède même toi, et du coup rentrer chez toi sans aucune effraction. Ça t'a, il me semble, du moins assez marqué, ce qui semble être plus ou moins ta séquelle de ces événements-là, le fait de savoir du coup que même là où tu es censé être en sécurité, tu n'y as pas été. Clairement, je suis assez d'accord. Dès que je vais me balader seul en ville ou autre, je vais avoir, tu sais, cette petite, ces petits mots dans le ventre et tout qui vont te pousser des fois à regarder s'il y a la personne derrière qui a 20 minutes. Et, quand tu rentres chez toi, tu vérifies toujours un coup dans chaque pièce avant de t'allonger, de t'endormir pour être sûr qu'il n'y ait personne de caché. Ce genre de choses que tu ne faisais pas, enfin en tout cas que je ne faisais pas avant ces événements. Eh bien, tous les trois, du coup, oui, tous les trois, vous êtes voilà dans vos pensées un peu à ressasser tout ça, à vous remettre un peu aussi de tous ces événements. Je vous rappelle, hein, au cas où, vraiment pour le contexte, vous venez d'être lâché littéralement un peu Baronnie. Et donc, vous traversez tout simplement les énormes rues de pierre et de briques pour tout simplement rejoindre le QG. Je vais demander, parce que ça fait un petit moment, voilà, ça s'était un peu calmé, mais on va reprendre des plus belles. Je vais demander du coup à notre cher... on va prendre du coup Victor, hein, de nous donner du coup un peu ses émotions du moment, comment il se sent avec tout ce qui vient de se passer et tout ce qu'il attend surtout. Bah, disons que je suis un peu chamboulé par tout ce qui vient de se passer dernièrement. Déjà parce que j'ai tué un être humain. Même si c'était, on va dire, pour en sauver plein d'autres, c'est quelque chose qui me restera jamais en moi, quoi. Quelque part aussi libéré de ce poids qui pesait en disant que j'avais tué un supérieur et de savoir que ça ne l'était pas, ça atténue un petit peu. Mais fatigué, ouais, énormément fatigué, beaucoup de. Entre l'émotion, la fatigue mentale et physique, là j'ai juste envie de m'allonger et de faire le vide, quoi. Voilà. Ça me va parfaitement. Du coup, vous revenez du moins au QG et juste simplement vous posez la question. On est vraiment début de d'après-midi, vraiment tout début. Et du coup, un peu plus ou moins ce que vous comptez faire de votre journée. Moi, perso, j'ai vraiment comme ça envie de presque de rien faire, quoi. Mais si les autres ont envie de faire quelque chose, je pourrais suivre, mais dans l'idée, c'est de rien faire. Juste débrancher. Ok, ok. Bon, c'est ce que je vais proposer, en effet. Et puis, ouais. Non, ouais. Pour l'instant, en effet, pareil, seulement un petit peu de repos. Essayer d'un petit peu de réfléchir aux dernières choses qui se sont passées. Un petit peu au climat d'insécurité que l'affaire a mis sur nous, surtout quand tu sais ce qui a pu arriver à d'anciennes personnes ayant traité l'affaire. Et c'est un petit peu en effet l'occasion de remettre en perspective tout ce qui s'est passé. Mais dans l'immédiat, dans le sens, les quelques heures là qui viennent, je pense que juste tout le monde peut. Très bien. Sauf si quelque chose se passe ou qu'on me propose d'aller quelque part. Dans ce cas, j'irai sur. Kornilov, dis-moi tout. Eh bien, moi, je dirais que j'ai bien envie de profiter de cet après-midi où, a priori, on va rien faire pour aller voir une de nos mécènes, donc, Léonie Kramer, si je me souviens bien, et meubler ce QG parce qu'il fait pitié. Enfin. Tout à fait. Très bien. On va pouvoir. Du coup, laisser les deux osios se reposer, notamment Kornilov, Victor et Esther, excusez-moi. Laisser Victor et Esther se reposer. Je suppose. Je suppose que vous allez sûrement vous reposer au QG pour la simple et bonne raison que c'est le plus simple et que comme vous êtes quand même censé travailler, vous êtes censé être de service. Hein, si quelqu'un vient vous chercher pour vous donner une mission ou quelque chose du genre, ça le ferait pas trop de retrouver le QG vide. Je m'attendais à être au QG en effet. Ouais. On est d'accord. Excusez-moi. Et oui, par la raison, il est vraiment saccadé, mais vraiment retrouver les disques. Oui. Mais du coup, si personne n'a d'obstruction, on va surtout s'intéresser à Cornille. Pour commencer, évidemment, Esther et Victor, du coup, vous allez, petite question quand même pratique, sachant qu'il y a quand même Sophia qui emprunte le temps que vous lui laissez son divan, vous, comment vous gérez la question? Est-ce que, du coup, c'est la même question que je pose à Kornilov quand il vient dormir là le soir. Est-ce que vous montez à l'étage pour la laisser tranquille et vous dormez sur le sol avec sur un petit tissu, un truc du genre, ou est-ce que vous êtes plus du genre vous restez avec elle pour faire un contact, etc., discuter? Quand je disais que je me reposais, c'était pas non plus en effet de dormir, quoi. C'était simplement oui, se poser un petit peu, réfléchir, faire le point. C'est ça. Attendre que les choses se passent. La question reste quand même la même en soi. Un petit peu avec elle, déjà la tenir au courant des avancées. Lui dire qu'a priori on est en bonne voie pour obtenir le document en effet. Et là, c'était sous forme de quoi? C'était une plaque de cuivre également. Ouais, c'est ça, c'est une plaque de métal. Ouais. Est-ce qu'on dit quand même faux papier du coup? Non, j'aime bien l'expression plaque. On peut parler de plaque, voilà. Les fausses plaques. Les fausses plaques. Parfait. Mais du coup, là où elle est, c'est là où il y a notre table avec les chaises, soit pour faire notre petite réunion ou c'est une autre pièce. C'est rez-de-chaussée, c'est là où il y a le divan qui est installé pour pouvoir. En gros, la première chose que vous avez acheté, c'est un petit divan sur lequel c'était pour faire venir justement les gens, histoire que les gens ne s'assoient pas par terre. Et donc du coup elle est au rez-de-chaussée et vous avez en tout 4 chaises de couleur bleue, très important, qui traînent, que vous pouvez traîner entre l'étage et ici. Et ouais, bah moi je vais prendre une chaise et puis je vais aller autre part. Genre je vais poser autre part. Ok. Kornilov, toi, bah, du coup, une fois que tu as laissé tes amis reprendre possession du QG, toi, tu es parti du coup directement en direction du coup de Léonide. Est-ce que tu sais un peu où tu comptes la route? Eh bien, bonne question, je n'en ai aucune idée. Mis à part si par chance elle est au. J'ai oublié l'endroit que j'ai noté. Il y a un endroit où les riches y vont souvent. Je sais que je l'ai noté, mais elle sera sûrement pas là parce qu'il faudrait de la chance. Mais j'imagine qu'en tant que mécène, on a au moins quelques informations sur où elle est de manière pas notée par moi. Tu peux effectivement essayer de te renseigner chez bah, tout simplement excuse-moi, le bâtiment institutionnel des métropolites. Après, tu sais que à Mécène, c'est surtout voilà, ceux qui donnent l'argent, donc ça les oblige en rien à rester dans le coin, contrairement par exemple à E-League. Mais c'est vrai que ça peut être une bonne piste de chercher par là. D'autant plus, alors si je me trompe pas, tu ne connais pas son métier. Non, je sais juste que c'est une bourgeoise. Oui, ce qui est du coup moins pratique pour savoir où la trouver. Ce n'est pas grave. Du coup, bah, tu vas aller te rendre comme tu le souhaitais à. Comment c'est, Yamé ? Au bâtiment institutionnel des métropolites, tu vas pouvoir demander là-bas. Est-ce que tu demandes à une personne précise ou est-ce que tu prends vraiment la première personne qui passe et tu espères qu'elle le sache, J'imagine que je vais plus voir du côté du secrétariat, entre guillemets, quelque chose du genre. Mm-hmm. Plutôt que d'arrêter n'importe qui marche dans les couloirs. Donc oui, je vais me présenter à ce qui fait office de secrétariat, qui gère les contacts, ce genre de choses, j'imagine. Ok. Tu vas le voir, c'est une personne assez mince qui la tient aujourd'hui, c'est pas la même personne que la dernière fois. Un homme, tout simplement, les cheveux courts, un petit bouc, tu vois, et tu vois, qui t'accueille tout souriant. Mon cher monsieur métropolite, puis-je faire quelque chose pour vous? Oui, je suis anti-agent pour le métropolite. Oui. Ok, je suis l'agent Kornilov Vichilinski. J'aimerais savoir où je pourrais joindre une de nos mécènes, une des mécènes de notre de mon unité, Léonie Kremer. Je vais regarder ça. Comment s'appelle votre cellule? On est au QG Indigo. Très bien. Vous devriez essayer de retenir le nom de votre cellule, c'est plus pratique quand même. Exactement. Pour l'administratif. Tu vois qui part de minuit, tu vois, genre il emprunte une porte et puis bon, il te laisse un peu là. Et deux minutes plus tard, il revient à toi. Ah bah vous avez de la chance, Madame Kremer est justement dans le bâtiment. Vous savez, en tant que missionnaire, elle passe vraiment beaucoup de temps entre plusieurs instituts de Venise. Et vous avez de la chance, aujourd'hui, elle est parmi nous. Vous pouvez la retrouver, elle est actuellement dans le bureau de Eiling, je crois que vous connaissez. Oui, je connais. Bah parfait, vous pouvez vous y rendre de ce pas. Ok, et bien je vais me rendre dans cette direction-là. Que je dois pas mal connaître, elle au moins, parce que c'est notre mentor. Oui, tout à fait. Tu sais situer un peu le bureau d'Aïing, et qui est d'ailleurs assez étonnant, le fait qu'elle a son propre bureau, parce que tu sais qu'elle n'est pas haut gradée, hein, comme elle vous l'a déjà révélé, son passé de pirate a fait que, bah, tout simplement, elle est interdite de vraiment augmenter les échelons, en gros, mais à ce niveau-là. Et vous pourrez très rapidement la dépasser. Mais malgré tout, elle a quand même un bureau, elle, hein, ce qui est normalement un signe. Encore une fois, hein, on est dans le matériel, et donner un bureau, c'est donner du coup un espace construit pour cette personne-là. Donc du coup, et sachant que les bâtiments publics, notamment voilà, ce bâtiment-là, on est avec des vrais murs. Hein, donc c'est vraiment de la ressource qui est utilisée pour isoler les gens. Donc ça démarre quand même qu'il y a Voilà, c'est un peu paradoxal en soi, mais elle a l'air de quand même d'être assez importante, du moins assez pour qu'on lui accorde un bureau. Tu te rends de ce pas au bureau de Dailig, et pendant ce temps-là, je vais demander à... Excusez-moi, je suis vraiment pas fluide ce soir. À nos deux autres joueurs, du coup Esther et Victor, de faire un petit jet de dés. Un jet. J'ai pas de fiche sous les yeux, excusez-moi, je vais sur Ecrim, je regarde une fiche au pire. C'est plus ou moins de l'empathie. On va le mettre dans. Allez, dans Arguti. Un jet de Arguti. Dix. Très joli. 8. Eh bien, Esther. Alors que voilà, t'es là, t'es en train de discuter avec avec Sophia au moment où Victor, de ce que j'ai compris, prend un peu ses écarts et va un peu s'isoler pour faire un peu le point et souffler. Voilà, il monte à l'étage, etc. Tu vois que son visage devient un peu plus grave, un peu plus concentré. Et pendant la conversation, en fait, tu remarques qu'elle essaye. Enfin, c'est pas tant qu'elle essaye, mais tu sens vraiment dans sa façon de parler, d'essayer d'amener le sujet, que ouais, il y a quelque chose qu'elle a envie de dire, mais que pour l'instant, elle n'arrive pas à... et ça se sent, en fait, tu vois, genre, elle a des hésitations, tu vois, elle va commencer à lancer une phrase, et elle s'arrête, et bon. Du coup, après, ça reprend sur autre chose. Est-ce que ça semble être lié, on va dire, cette espèce de hésitation à la présence de Victor? Tu sais pas si c'est vraiment lié, mais tu remarques en fait ça c'est vraiment, enfin tu l'as vraiment repéré au moment où Victor est. Tu ne saurais dire si c'est vraiment lié, mais voilà, il y a cette peut-être coïncidence, peut-être corrélation, mais il y a ça. D'accord. Simplement si à un moment Victor s'écarte quelques secondes, ne serait-ce que pour aller aux toilettes ou autre. Je vais essayer de me remettre à discuter avec elle presque au début de la pluie et du beau temps et essayer d'amener le sujet. Très bien. Quelle amener, enfin, comment tu essayes d'amener du coup ce sujet? Est-ce que t'essayes... En discutant, donc si mettons voilà qu'on soit un petit peu seul à seul, je lui fais. En fait, vous souhaitiez me dire quelque chose, non? Enfin, vous souhaitiez parler de quelque chose en particulier? Tu vois que. Vous semblez troublé. À ces mots, tu vois, son semble être un peu déboussolé. C'est ce matin, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais il y a quelqu'un qui a essayé de rentrer ici même. Vous savez que je loge devant la porte principale et. Et elle s'est déverrouillée, alors je pensais que c'était vous, et je venais simplement vous saluer comme à l'habitude, et j'ai pas eu le temps de voir qui c'était, il y a juste la Suède qui semblait avoir, je sais pas, elle a fait demi-tour immédiatement et est partie, j'ai pas réussi à voir qui c'était, je me demandais si c'était l'un d'entre vous. Sans doute, oui. Je vais en parler avec vous les autres, mais vous en faites pas. Je pense que tout va bien. C'est peut-être Hugo, vu qu'il est pas là. Il a oui, peut-être eu l'affaire. Il avait peut-être oublié que c'était son jour de repos. Ah, d'accord. Bon, réaction un peu étrange, ouais. Mais c'est vrai qu'il a toujours été un peu moins en contact avec moi. Bon, si vous dites que tout va bien, alors tout va bien. Tu vois qu'elle a pas l'air vraiment rassurée, mais qu'elle elle joue le jeu, quoi. Ouais, nous en parlerons. Je le dis pas. Très bien. Je retourne sur Cornilove. Cornilove, du coup, voilà, tu rentres dans le QG d'Ali après avoir toqué. Et tu fais face, effectivement, à Eiling et Léonie. Léonie Kramer, de son nom entier. Tu remarques un peu immédiatement, parce que Eiling, c'est quand même une figure que tu as été très habitué de voir quotidiennement hein, pendant toute votre formation, qu'il y a une énorme quand même, différence sur son visage, qui est une énorme cicatrice en fait, qui est apparue, qui longe à partir de l'arcade et qui se finit en, fait, en bas de son visage, hein, donc du côté gauche de son visage. Là, cette énorme cicatrice qui est apparue, qui semble un peu datée au sens où elle n'est pas de la veille parce qu'elle semble déjà être plus en forme de cicatrice que de blessure ouverte. Mais voilà, tu peux pas t'empêcher de ne pas le remarquer étant donné que bon, voilà, c'est un visage commun, c'est ce genre de choses qu'on remarque assez fait. Malgré tout, qu'est-ce que tu dis face aux deux personnes qui sont face à vous, enfin, face... Je vais tout simplement demander « Je vous dérange ?» Tu vois qu'il y a lui qui retourne un peu vers le bureau, mode « Ah non, pas du tout, si on, nous n'aurions pas pris la peine d'ouvrir. » C'est pour voir laquelle d'entre eux. Eh bien, je suis venu voir en particulier Madame Kramer. Tu vois, il fait « Ah, d'accord. C'est un moment où je vous ai pas vu, tout se passe bien de votre côté depuis l'affaire ?» Oui, tout se passe bien, aucun problème. Vous savez, le soir tombé, ça serait bien que vous traîniez un peu dans les rues. Bon, je vous laisse vous entretenir avec Madame Kramer, je vous embête pas plus. Tu vois que du coup, Léonie te regarde. Que puis-je pour vous ? Attends, du coup, oui, c'est... on est toujours dans le bureau, là, actuellement ? Oui, Eiling en fait te laisse plus ou moins le bureau. D'ailleurs, pour décrire un peu le bureau, en fait, c'est un bureau quand même qui est assez petit. On va dire à 3, vous rentrez bien dedans, et en fait, au milieu, il y a juste un gros bloc de métal qui sert de bureau, et il y a rien d'autre. C'est très austère. Hein. Il y a pas de documents, il y a pas de range. Tu comprends un peu mieux quand même la nature de ce bureau qui finalement est assez assez austère. Mais elle te laisse volontiers, après tout, enfin, elle a quand même confiance en toi depuis le temps, etc. Donc elle te laisse, puis elle reste juste à côté en attendant que vous avez fini, quoi. Ok. Et bien du coup, je vais me tourner vers Léonie Kramer directement. Et je vais introduire la discussion avec un... ça va bien en ce moment, les affaires se portent bien. J'ai aucune idée de ce café. Les affaires, c'est un bien grand mot. Mais oui, je continue à agir selon les envies, si et là. Et vous ? Eh bien, nous, on se débrouille au mieux avec ce que nous avons, et j'imagine que vous en doutez. C'est la raison de ma venue. On aurait besoin de plus. Plus. Dites-moi, hein, je suis là pour ça. Je vous finance directement. Oui. Est-ce que je dois vous parler en termes de somme d'argent, ou est-ce que je dois vous dire ce dont on aurait besoin ? Je dois vous avouer que normalement mes missions à Venise ne sont pas d'ordre de l'achat de mobilier, mais je peux faire une petite exception si vraiment vous n'avez pas le temps de vous. Mais vous garderez en tête le fait que je m'en suis occupé pour vous. Oh, bien entendu, nous gardons en tête tous les services, surtout venant de vous. Bon, je peux faire ça pour vous, vous avez de la chance. J'ai pas rendez-vous dans les jours à venir. Merci beaucoup. Il faut avouer que pour l'instant, en termes monétaires, on n'est pas non plus installé au mieux. Vous devriez d'ailleurs aller voir Alceo. Hein. C'est lui qui gère directement du coup, l'argent qu'on verse à l'État. Si jamais vous avez besoin de fonds directs, vous pouvez aller le voir. D'accord, merci de l'information. Eh bien, on aurait besoin surtout, en priorité, de quoi accueillir les gens qu'on doit avoir au QG. Donc, ce serait surtout de l'ordre de table, de siège, peut-être même d'étagère. Mm-hmm. Quelque chose qui permettrait de faire passer notre QG de une grosse bloc de métal à peut-être quelque chose qui donnerait un peu plus envie de travailler avec nous. Oui, vous voulez que je rende équipé votre QG, que je prête de quoi... Est-ce que vous avez déjà de quoi gérer les archives, de quoi gérer ce genre de choses? On a une pièce où on peut ranger des choses. Très bien, vous avez... On peut installer, vous savez, des blocs de métal pour pouvoir les archiver, ce genre de choses. Vraiment, faut pas hésiter, hein. Ce lieu est à vous. Hein. Mmh. Et on aurait besoin de tout ce qu'il faut. Je vois. Je vais m'occuper de ce que je peux. Je ferai en sorte que vous ayez un QG qui soit... recevoir la... J'ai pas entendu. Excusez-moi. C'est vrai que le son résonne mal dans cette pièce. Oui. Vous comptez du coup recevoir directement ? Eh bien, a priori, c'est notre manière de faire avec notre groupe. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc oui. Très bien. Bon, on vous fera une petite salle qui sert à ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si vous avez besoin d'autres services, je suis là. Je ne sers pas qu'à l'achat. Hein. Oui, bien entendu. Mais pour l'instant, je ne pense pas que nous ayons de problèmes particuliers qui nécessiteraient vos services très importants et pour lesquels nous sommes très... J'ai oublié, mais bon. Je comprends. Ne soyez pas troublés. Je suis une gentille personne. Bon, je m'occupe de ça pour vous. Reprenez du service. Il n'y a pas de souci. Tu vois, cassez-moi, dirigera la porte et elle retourne du coup en conversation avec Eldig. Cette dernière, du coup, te salue si tu la rends un peu à la conversation. Et elle te laisse plus ou moins là. Très bien. Je vais disparaître. Tu disparais de la réalité. Du coup, est-ce que tu retournes au QG ou tu as un dernier petit détour à faire ? Eh bien... Alors, je ne suis plus exactement sûr. Est-ce qu'il y a quelque part sur notre fiche l'argent qu'on a ou est-ce qu'on devait le marquer à côté ? Alors, je te le donne si jamais tu ne sais pas, parce que moi, je fais le suivi. Tu as sur toi 5 liges. Et okay. Pour rappel, 5 liges en univers, c'est pas mal. Je rappelle que les gens sont très rarement payés aussi bien. Un bon salaire. Eh bien, si cela ne me fait pas faire un énorme détour sur mon chemin du retour au QG... Mm-hmm. Ah ben non, ça va pas faire des tours du tout, vu que je suis chez les Métropolis. Je vais me prendre des balles pour mon arme, parce que j'ai qu'une balle pour mon arme. C'est vrai. Tu descends en bas, tu demandes à l'accueil au même homme où est-ce que tu peux te procurer ça, et tu vois qu'il t'indique clairement, genre juste à deux pas de là, il y a un escalier avec marqué en gros « armurerie ». Du coup, bon, tu te dis que c'était plutôt évident et tu t'y rends. Tu te rends là-bas, il y a plutôt le cheveu long, la bonne moustache bien visible, hein, qui prend un bon quart de son visage bien dru. Et simplement, il te demande ce que tu veux, après avoir montré bien entendu ton matricule, hein, afin de t'assurer que tu es bel et bien un métropolite. Exactement. Du coup, est-ce que tu prends juste quelques balles ou est-ce que t'en profites pour essayer d'attraper autre chose ? Je vois pas de quoi d'autre j'aurais spécialement besoin. Donc j'aimerais en effet des balles pour mon arme. Tu vois qui sort les balles. Alors, bien entendu, du coup, vu que vos armes sont à poudre, hein, quand on te donne une balle, hein, c'est assez volumineux parce que c'est une balle et la poudre. Donc en fait, ouais. Il faut avoir deux unités, si tu préfères, pour porter une seule balle. Donc on est très loin des chargeurs qu'on peut connaître, nous, dans notre monde-là. Donc du coup, c'est assez volumineux. Tu comptes en prendre combien? Sachant qu'une bonne moyenne sur ça, c'est en avoir 4 ou 5. Ce qui permet d'avoir une confrontation armée. Sachant qu'on évite, hein, de toute façon, de tirer à tout bout de champ. C'est tirer de la poudre aux albâtres, hein, de faire ça. Ouais. Donc, combien t'essayes de t'équiper Eh bien, je vais en prendre 5. Très bien. Ce qui te fera 6 en tout. Ouais, ce qui me fera 6 en tout. Pas de soucis. Tu peux te le noter, t'as 5 balles plus poudre. Hein. En soi, on met les deux ensemble sur ta fiche, comme ça. Enfin, voilà. T'as la poudre qu'il faut pour une balle, t'auras jamais le manque de l'un par rapport à l'autre. On simplifie ça. Tout simplement, quand il te donne les balles, il fait bon, vous avez de la chance. J'avais eu pour ordre que votre première commande ici pour le groupe du coup soit gratuite. Hein. Bah voilà, vous pouvez. Sachez que les tarifs, hein, c'est le moitié prix de ce qu'on peut trouver sur le marché et c'est retenu directement sur votre salaire. Vous n'êtes pas obligé de payer. Je vois. Merci de l'information. Voilà. Il te donne du coup les balles et tu peux du coup retourner au QG. Au QG, vous vous reposez certes. Est-ce que vous avez fait du coup autre chose ou est-ce que vous restez vraiment sur le même programme? J'aimerais savoir s'il y a des gens à l'accueil tout en bas par exemple de la cour ou du bâtiment ou des gens qui sont souvent là comme un gardien par exemple. Eh bien, malheureusement, non, parce que, effectivement, tu le mentionnes bien, mais c'est vrai que la résidence est une... c'est plusieurs bâtiments qui sont collés, qui font une espèce de carré, en fait. Mm-hmm. Et donc, effectivement, ça serait probable qu'il y ait quelqu'un en bas qui gère, mais en fait, c'est assez libre service. Les gens ont tendance, en fait, à simplement ne pas rentrer dans les résidences qui ne sont pas eux. Et évidemment, il n'y a pas de système de caméra, il me semble que... Non. Alors là, les caméras... Ça aurait été trop beau. Non. Il y a la photographie, mais on est à l'ancienne. Hein, Je suis tiraillé dans ma tête, parce que j'ai quand même bien l'impression que quand El Presidimento va rentrer quelque part, elle y arrive. Après, elle s'attendait peut-être pas à ce qu'il y ait Sofia, ou au contraire, c'est la personne... Je dis El Presidimento, c'était peut-être pas lui. Mais en tout cas, au contraire, peut-être que la personne qui est venue voulait justement tomber sur elle. C'est vrai que ça a l'air d'être quand même assez flou tout ça. J'aimerais du coup en profiter, si j'ai un instant et qu'il n'y a pas trop de monde en bas, pour, tu sais, installer un micro-système un peu similaire à chez moi pour savoir si quelqu'un rentre ou pas. Tu sais, quelque chose que je pourrais installer en partant et voir le lendemain matin si quelque chose... Oui, sur la porte du rez-de-chaussée. Ouais. Il ouais. Y a d'autres portes aux étages, c'est ça? C'est ça, mais vous les avez condamnées, c'était ouais. Les premiers travaux que vous avez fait. Vous avez condamné les deux portes pour qu'il n'y a que la porte. Et je vais en profiter si jamais on a des dossiers un petit peu sensibles pour les mettre à l'étage. D'ailleurs, on a également le disque sur Il Procedimento encore. Oui, mais vous avez tout le dossier que je vous avais partagé, vous l'avez ouais. Tout dans votre... Dans le premier étage, je rappelle, parce que je vous avais posé la question, pour l'instant, tout ce dossier, etc., est au premier étage, là où va très rarement Sofia et jamais sans vous. Ouais. Elle est très respectueuse hein, vis-à-vis de ça. Vous l'avez dit, voilà, t'as le rez-de-chaussée, nous en haut, on travaille. Elle ne monte que si elle a l'autorisation express de monter. Voilà, pour le coup, là-dessus, c'est plutôt clean. Hein. Du moins, vous n'avez jamais eu l'impression que... et du coup, voilà, au premier étage, c'est là où vous stockez tout pour... c'était ce que vous m'avez dit et c'est ce que j'avais noté. Du coup, je vais rapidement, si j'ai le temps, mettre le disque concernant El Procedimento dans mon sac avec comme objectif de le ramener chez moi et de le ramener demain. Très bien. Je vais quand même te demander, du coup, bah, si tu veux t'occuper de la porte, de me faire bah, un jet d'anthropomécanologie. Yes. Je pense que ça t'arrange. Alors, attends. J'aimerais bien quand même qu'on vérifie. Avec un bonus de plus 1, parce que je rappelle, tu es habile de tes mains. Et ça me fait 14. Et... Ok, ça te fait 14, qui est un excellent jet. Là, tu sais, vraiment, t'es au niveau... Au niveau bah, vraiment basique de ce que tu as appris à faire hein, dans le temps, vraiment aujourd'hui t'es bien au-delà de ça en fait en termes de construction, etc. Et c'est vrai que ferait juste un petit mécanisme qui se permet de se briser si tu fais pas une petite action mécanique quand tu ouvres la porte, bah c'est évidemment super dans tes cordes et tu y arrives parfaitement comme bah, comme en fait pour la porte de chez toi. Question, est-ce que tu veux mettre au courant, t'es quand même t'es, bah, tout simplement tes collègues. Pour l'instant, non, je fais ça dans mon coin, j'ai juste que j'entretiens un truc. Je veux dire, vu qu'en soi, c'est pas... Enfin, je vais leur parler pendant du fait que quelqu'un essaie de rentrer, mais ça, pour l'instant, c'est surtout pour moi. Tant que le truc se sera pas activé ou quoi que ce soit, j'ai pas envie de les inquiéter avec ça. Sachant que je l'activerai moi-même le soir en bas. Ouais. Quoique, en fait, voici, si jamais c'est pas moi qui arrive en premier demain... J'y pensais. Oui. Ouais, c'est, ouais bah, moi l'idée m'était pas encore venue, dans ce cas-là, oui, en effet, je vais l'en parler. Ouais. Oula. Très bien, très bien. Du coup, tu vas pouvoir faire ça. Tu vas les mettre au courant, et d'ailleurs, Kornilov arrive. Hein, voilà, on va simplifier un peu cette étape-là. Kornilov, tu arrives. Et bah, du coup, Esther, comme ça, si tu veux leur expliquer un peu bah, tout ça, je te laisse le faire. Vous vous isolez, je suppose, que vous ne parlez pas de ça directement devant Sophia. C'est ce que j'allais dire. En effet, un moment où j'ai fait mon braquage. Ouais, il y a eu un saut de connexion. C'est génial, ce soir. Ouais. Je leur fais écouter. Je vous avais déjà un petit peu parlé du fait que quelqu'un était rentré chez moi il y a... de cela quelques temps, bah du coup simplement bah le jour le fameux jour où l'épidémie a une partie de Venise et où du coup je ce qui est la piste qui m'avait ensuite reconduit sur toi Victor il me semble Kornilov. C'est Kornilov? Ok. Ouais, c'était Kornilov. Regarde. Du coup, depuis ces derniers temps, je suis un petit peu aux aguets quant aux personnes qui pourraient éventuellement me suivre. J'ai rénové un petit peu mon système de sécurité. Et j'aimerais en faire d'autant pour ici. D'après Sophia, quelqu'un aurait tenté de rentrer ce matin. Mais... On n'est pas sûr qu'il s'agit là d'un véritable danger. Néanmoins, ce qu'elle m'a raconté est légèrement inquiétant et légèrement louche. Elle parle d'une silhouette qui tente de forcer la porte, il me semble. Non. Exactement, je le redis. Ouais, mais c'est ça. La serrure s'est déverrouillée. Donc, comme quelqu'un qui rentre avec les clés. Et au moment en fait, où la porte s'ouvrait et que Sophia, du coup, venait en mode ah bah bonjour, comme elle avait l'habitude, c'est là que. Ouais. Ça a fui. Qui est donc plutôt inquiétant, donc j'aimerais. J'ai rajouté un petit système pour ça, enfin pour nous permettre de vérifier si des gens viennent ou non. Et je pense que dans un futur très proche, il serait intéressant de changer de serrure, même si malheureusement j'ai l'impression que les serrures ne sont pas vraiment le problème. Peut-être qu'il faudrait trouver un autre type de mécanisme pour fermer une porte. J'ai pas pour l'instant d'idée encore qui me vient en tête, mais ça pourrait peut-être un code à taper. Je sais pas. Voilà, il n'empêche que du coup, je suis assez sur mes gardes. Et du coup, le soir et en tout cas le matin, je leur montre un petit peu aussi, je leur explique comment fonctionne mon petit mécanisme. J'aimerais pour vous de vérifier avant ou de rentrer ou de l'activer en sortant si mon petit mécanisme est bien en place et si jamais vous arrivez, si ce dernier est intact. Puisque avec un simple système de barre de fer, si jamais la porte s'ouvre, ça va plier cette dernière. On peut la récupérer assez aisément, le système n'est pas trop visible depuis l'extérieur. et ça vous permet de savoir si une personne est rentrée ou non durant notre absence. Est-ce que vous me suivez? Ouais. Mmh. Ok. Je vous avoue que, étant donné ce qui a pu arriver à d'anciennes personnes ayant enquêté sur les mêmes histoires que nous, je suis pas trop rassuré quant à l'idée que n'importe qui puisse rentrer chez nous n'importe quand. D'ailleurs, je vous conseille de faire attention aussi, en dehors du QG Indigo, à votre vie privée. Même s'il me semble que certains ont déjà pris quelques mesures. Tu pars du principe que Kornilov ne va plus chez lui du tout depuis un bon moment maintenant. En effet, c'est à peu près ça que je pouvais suggérer. Et peut-être que... Ouais. Qui a les clés d'ici normalement? Seulement nous, non? Nos supérieurs, ils n'en ont pas? Nos supérieurs ont sans doute une copie ou autre, mais j'ai pas l'impression que ce soit... un problème de clé à pouvoir avoir les... J'ai un peu l'impression que c'est une personne qui peut rentrer où elle veut. Mais peut-être en effet qu'elle a simplement... Elle en a simplement obtenu une copie comme elle a obtenu une copie de celle permettant d'ouvrir ma maison. Enfin, mon appartement. Est-ce que ça existe, des passe-partout? Est-ce que ça existe dans la rue de là où tu... Ah, d'ailleurs... Tiens, comme ça, je te donne une chance de gagner en seuil d'évolution. Fais un petit jet de Urba Technologie. Oui, sur l'affiche, la dernière hein, qui a été postée, parce que entre-temps, il y a eu des chargements. La dernière, ouais, c'est la dernière que j'ai eue. Mm-hmm. Mais pour moi, ça change rien, Urba Technologie, normalement. Si ? Non, mais je te demande juste la dernière. Ah, ouais. Voiture. 15. C'était bien. Oui, ça va. je me débrouille pas trop mal. Ok. Eh bien, bah, comme je disais, dans les quartiers que tu adores traîner, effectivement... forcément, hein, tous les petits gamins de rue fantasment à l'idée d'avoir un passe-partout, avoir une master key qui permettrait d'ouvrir toutes les portes. Enfin voilà, ça fait rêver les gamins des usines. Et tu sais que si ça existe, c'est sous haute protection, c'est sous haute véritablement haute sphère, parce que clairement. Je veux dire, même les métropolites de base n'ont pas, par exemple, voilà, des métropolites même assez bien gradées, en fait, j'ai envie de dire, n'ont pas accès à ça. Hein. Si ça existe, tu sais que ça fait partie d'une élite, hein, très élite. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs que ça fait fantasmer autant de gens. Donc, est-ce que ça existe vraiment? Sûrement. Mais dans des. Bah, elle nous a. Esther, tu nous avais confié déjà que il avait réussi à rentrer chez toi. Oui, c'était le début de la conversation. Donc, honnêtement, Esther, je pense que. Alors, il y en a qui rêveraient de l'avoir. C'est pas sûr que ça existe, mais si ça doit exister, je pense qu'un passe-partout pourrait aisément passer notre porte, comme elle a passé la tienne. Mais seulement, ce serait à la portée de. Des gens très haut placés de l'élite. Pas n'importe qui peut se vanter d'en posséder. Donc, on peut déjà se dire que si une telle pièce existe et si c'est la personne à laquelle tu penses à essayer de pénétrer chez nous, eh bien, elle a de hautes relations, du moins. Et ça irait dans le sens de ma théorie, comme quoi cette personne pourrait être quelqu'un de très important, ayant accès à énormément de choses. Pourquoi pas un métropolite ou un ancien métropolite, voire même un... Ouais, peut-être même plus haut que le métropolite. Plus le temps passe, plus cette théorie prend sens. Je sais pas si elle tiendra jusqu'au bout. On fait peut-être fausse route, hein. Peut-être en récupérer même... Ce qui... auprès d'une personne haute classée, mais... Ce qui pourrait peut-être expliquer que cette personne a un temps d'avance sur nous. Parce que si elle est si haut placée, elle doit avoir accès à des choses que nous ne pouvons pas. Et elle peut avoir accès à notre vie, potentiellement. Notamment en dossier. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on nous fait comprendre qu'il ne faut pas creuser plus loin. C'est possible. Enfin bon, voilà. Soit... Donc, mis à part cette barre que tu veux mettre derrière la porte, tu n'as pas d'idée particulière qui pourrait nous aider peut-être si jamais cette personne venait à rentrer pour avoir plus d'indices, je ne sais pas. J'ai fait un système de déverrouillage à code qu'un passe-partout ne pourrait pas donc passer. Maintenant, voilà, ça, je pourrais pas l'installer d'ici ce soir. Faudra peut-être que j'achète du matériel. Mm-hmm. Sans doute que je procède au moins à une demi-journée. On est si le jeu soit bien fait. Parce que donc, si la personne est aussi, on va dire, compétente, si c'est un simple verrouillage lambda, elle va pouvoir sans doute le passer également. Après, je sais pas. Faudra quand même demander à Hugo, hein, ça se trouve c'était lui, mais. Comme tu dis. C'est. Pas évident. Déjà qu'il puisse entrer chez nous comme ça. Oui. C'est quand même assez inquiétant. Très bien. Bien. Sinon. Quelque chose à dire. Qu'est-ce que vous voudriez faire maintenant? Parce que. Travailler. Tu veux qu'on travaille sur quelle affaire? On a plein d'affaires. Sur justement, au moment on va avoir des problèmes. C'est pour ça, je te demande laquelle. Ben on prend. Dans l'idée où on se mettrait au travail, on peut prendre celle où on a des adresses déjà dès le début dans nos plaques. On en a une avec un entrepôt dans l'usine du vent, on en a une avec la rue Sissio, où quelqu'un a besoin de parler. Et après le reste, on n'a pas vraiment d'adresse, certains ont des noms. Ouais. Parce qu'on va nous le demander, ces plaques-là, de toute manière. C'est sûr. Et vu qu'on peut pas avancer sur notre enquête principale. Vous avez aussi, ça c'est juste la parole du MJ. Ce qui existe hors plaque. N'oubliez pas que vous avez eu un contact qui attend un deuxième contact. Oui, du coup. En effet. Ouais, au bar du Hibou. Non. La chouette. Ouais. La chouette. Pardon. Donc oui, soit on peut faire les plaques, soit on peut essayer de mettre un terme à notre service pour Sophia. Il est quelle heure là à peu près? Là, avec le temps qui est passé, un bon après-midi, genre vers 15h. Qu'il est 15h, on n'a pas le temps de faire un milliard de trucs non plus. Ou alors, dans ce cas-là, moi je m'occupe du site. En vrai, peut-être que je peux m'occuper du système pendant que vous allez mettre un premier contact avec l'une de ces enquêtes. Je sais pas s'il y en a une ou simplement un petit dialogue d'une heure suffirait à la lancer demain. Et on se retrouve demain pour faire le point et lancer ça de manière définitive. Mais comme ça, ce que j'ai. Si, en fait, le problème, c'est que si jamais je fais pas ça aujourd'hui, et demain on se lance dans un gros truc, ça veut dire que pour l'instant, le QG est à peu près ouvert à qui veut. Et j'avoue que j'aime pas du tout. Je considère en soi que tu as déjà fait le système. Non, je parle de mettre un système pour. Un code. Ah. De mettre une double entrée, on va dire. Demander énormément de temps d'ailleurs. Ah, c'est ça, du coup, là, je me dis, j'aimerais bien aller acheter 2-3 trucs, en tout cas, ce qu'il me faudrait pour le mettre en place. Et passer la soirée, on va dire, jusqu'à 20h-21h, pour modifier un petit peu la serrure pour qu'elle ne se débloque, par exemple, que si... tu vois, un deuxième cran qui ne s'ouvrirait que si on tape le bon code. Mmh. Sur un truc... Je sais pas si ça existe, si ça se fait dans les crimes. Si, ça doit se faire pour des coffres forts, des choses comme ça, j'imagine. Bah, l'électricité existe en soi. Ouais. Donc en soi, c'est pas totalement impossible. C'est juste que ça demande un niveau de connaissance qui est très élevé. Notamment parce que voilà, ça demande surtout ce qui touche à l'informatique, à l'intelligence comme ça programmée, ouais. Et que tu sais que le scientisme est très très à reculons sur ça, hein. Donc c'est pas impossible, mais ça demandait énormément de temps et de ressources. Comme je dis, je voyais ça plus de manière mécanique qu'électrique. Enfin, je sais pas comment fonctionnent les serrures. Ah, mais un code, apparemment, il y a code, il y a forcément besoin que tu dises à un programme. Pas forcément. Tu as des serrures à code, mais mécanique. Oui. En fait, tu sais, des fois, t'as des portes à 6 chiffres où tu tapes une série et en fait, par un système de mécanique, ça déverrouille la porte sans passer par de l'électrique. En fait. Oui, c'est vrai. Ça reste quand même beaucoup de temps quand même et de ressources. Oui, oui. Alors, beaucoup de temps, on dit une demi-journée, une journée, deux jours. Ça va dépendre vraiment de tes capacités sur le moment. Mais effectivement, ça demande quand même de programmer tout ça, même si ça n'est pas un programme informatique. Ça demande de programmer quand même. Dans ce cas-là, j'aimerais bien m'occuper de ça, si jamais ça ne dérange pas les autres. En compagnie de Sophia, à qui j'ai dit que tout allait bien. Tout va bien. Je vous protégerai. Je sais, première arche, et puis ils résumeront par la suite. si ça dérange personne. Sinon, je peux. Pour être totalement honnête, ça sera pas fini le soir même. Ok. À part si vraiment tu fais des gemmes incroyables, mais comme il y a une limitation par. Le niveau de ta compétence, ça reste quand même très compliqué à faire. Ok. J'attends si ça va en termes de programme aux autres joueurs. Je ne vais pas décider pour eux. Moi, ça me va. Ouais, moi, ça va aussi. Faut-il encore savoir, du coup, Victor, ce qu'on fait, nous, de notre temps. Ouais, il y a un gars. D'accord. Tout ce qui est sur là, c'est besoin de parler. Sinon, il y a. Ah, on n'est pas un 15, donc ça marche pas. Il y en a une où on a une adresse, mais il faut que ce soit le 15. Et. Après, en autre, on a une histoire avec le quartier du Glyph, mais c'est beaucoup plus large parce que c'est un quartier. Bah, après, autant aller à l'adresse. Régissio. Ouais, bah voilà. Ouais, bon, on peut aller. J'ai entendu ce que t'as dit. On peut aller jeter un coup d'œil à ça. Ouais. Oh, au fait. Mm-hmm. Si jamais vous veniez demain et que par miracle vous vous retrouviez bloqué sur le palier, à ce moment-là je baisse la voix. 1-1-8-6-5-7. Un 1, 8, 8, 5, 7. Voilà. Si jamais tu veux un moyen mnémotechnique pour t'en rappeler, il n'y en a pas. Merci du conseil. Ok. Sauf si vous avez une autre suggestion magique. J'ai une bonne mémoire. Parfait. Très bien. Eh bien, on va du coup s'occuper de ça. On va s'occuper de ça. Esther, du coup, bah, je vais te faire des jets petit à petit pendant tout le long de ça pour voir comment tu t'en sors, etc. La difficulté, en fait, parce qu'en réalité, la difficulté est très élevée. au point où normalement je ne devrais pas te faire jeter les dés. Sauf que je considère que comme tu utilises tout ton temps, bah du coup en fait tu compenses la difficulté par le fait que tu ailles passer énormément de temps à grappiller ça. Donc en fait par rapport à ton nombre de réussites, hein, ça va pouvoir évoluer plus vite ou moins vite. Hein. C'est le jet de anthropomécanologie, on est d'accord. C'est ça, c'est de l'anthropomécanologie pour le coup, total. Est-ce que j'ai le bonus pour énergie mécanique? Vu que l'idée c'était que c'était des trucs qui n'avaient pas besoin. Je pense que le système de loquet, enfin bref, en gros, oui, c'est l'énergie mécanique, c'est d'appuyer sur un truc qui va programmer, donc j'autoriserai le bonus, sachant que, comme j'expliquais, c'est vrai que le système de marche, je voulais très très peu expliquer, parce que bah, je le gère moi de mon côté, mais du coup, en fait, il y a quand même une limitation. Donc par exemple, si tu fais 20 ou si tu fais 17, hein, bon là, je dis n'importe quoi, parce que je n'ai pas regardé exactement ta compétence, mais en fait, ça peut te ramener le même nombre de points, en fait, sur ta réussite, parce que tu es limité par... voilà. C'est une version très courte, donc voilà, t'étonne pas si si par exemple entre un 17 et un 20 tu sens pas la différence, c'est parce qu'en fait c'est la limitation dans les règles du jeu, il faudrait que tu sois meilleur, donc tu t'attiennes 6, 7 dans ta compétence pour sentir la différence. Bon. Mais du coup je vais te demander le premier jet maintenant, tant qu'à faire, pendant que tes amis sont en train de se préparer, maintenant qu'ils sont mis d'accord. Et voilà. En effet, juste avant de partir je leur dis finalement oubliez ce que je vous ai dit. Je rebaisse le son et je leur fais, ce sera 12, 15, 22. Ben, je te laisse sur le premier jet. Histoire. Comment tu s'en sors. Donc, tu as, n'oublie pas, le plus. Alors, du coup, j'ai un bonus. Et tu as plus 2 et plus 1 du fait que tu sois habile de tête. Alors, du coup, ça me fait 15. Parfait. Eh bien, tu commences à mettre ça. Donc, honnêtement, là, tu commences d'abord par. J'allais dire des schémas, mais c'est pas tant l'idée que ça, parce que tu n'as pas de papier. Mais c'est plus l'idée de vraiment, tu poses devant toi ce que tu veux et tu te dis, bon, voilà, il va falloir que ça fonctionne comme ça, comment je réfléchis à ça. Donc là, t'es moins dans l'organisation que déjà dans la conception, déjà mentale de l'objet. C'est assez. Bah voilà, c'est une efficace en soi de fonctionner comme ça, et c'est très commun, parce qu'encore une fois, bah, manque de ressources, donc tu vas pas gaspiller du cuivre pour ça, aller faire graver ça sur un forgeron. Donc en fait, généralement. C'est pour ça aussi que c'est très compliqué, mais les personnes des sciences fonctionnent énormément au mental, hein, et posent assez peu pour l'instant leurs idées. Donc toi voilà, tu en es à cette étape là, tu vas vraiment conceptualiser, quitte à t'isoler peut-être de Sophia à un moment pour pouvoir vraiment te faire un palais mental et pouvoir vraiment construire à l'intérieur de ça vraiment l'objet en trois dimensions, vous rentrez si tu veux dedans, enfin voilà, il faut ça. C'est plus ou moins comme ça que tu fonctionnes habituellement, je te le dis. Et en fait, vraiment, ce qui change entre une très bonne personne et un génie d'anthropomécanologie, tu le sais, c'est plus la... Voilà, tes mains, maintenant tu sais faire, tu sais construire ce que tu veux, ça va être vraiment cette conception qui est en amont. Donc là, tu commences ça et tu t'isoles, tu y réfléchis. Et du coup, on va passer à nos amis. Du coup, Victor et Kornilov... vous vous rendez du coup rue Sissio. Je suppose que. Bon, il faut dire qu'un nom de rue comme ça, tu sais pas forcément où ça se situe. Donc vous allez devoir demander votre chemin une fois ou deux. Est-ce que vous y allez en. Déjà, je sais un truc, c'est que. Comme c'est une rue avec un nom, c'est pas chez les pauvres parce qu'ils savent pas lire. Tout à fait. Non, c'est tout à fait ça. vous voyez que justement on vous guide. Est-ce que vous y allez en vélo? En vélo sûrement parce qu'on n'est pas chez les riches. Très bien, vous allez en vélo et donc vous demandez de temps en temps votre chemin. Alors généralement la réponse est je sais pas trop mais va par là. Et vous suivez un peu ça et vous sentez que vous vous rapprochez quand même parce qu'au fur et à mesure que vous demandez le je sais pas trop mais par là se rapproche de plus en plus en données précises de là vous continuez à droite puis vous allez là et là, là. Donc vous savez que plus vous êtes proche de la rue et plus les gens la connaissent, donc ça marche plutôt pas mal. Heureusement les bourgeois connaissent un peu leur quartier parce que vous vous doutez bien que la personne qui passe par là sans avoir visité les noms de rue aurait aucune idée de ce que à quoi vous... Ça me permet de parler un peu de background de la ville, parce que j'aime bien ça. Effectivement, comme tu le disais, les pauvres ne savent pas lire, donc leurs noms de rue ne sont pas des noms de rue. Hein, ce sont des objets, des trucs comme ça, la rue du pont, le truc du hibou. Voilà, c'est des animaux, soit mythologiques, soit réels, qu'ils utilisent pour se représenter, pas que des animaux, hein, mais des objets, etc. Et pour le coup, Typiquement, ça se repère énormément dans la... là où se situe votre QG. Vous savez, la basse haute ville, hein, pile la frontière entre tu commences à rentrer chez les pauvres et tu quittes les riches. Cette zone-là, en fait, est représentée par le fait que ils n'utilisent pas des noms de rue non plus. Mais par contre, toutes les maisons, en fait, c'est vraiment fait pour montrer ta richesse. C'est-à-dire que, par exemple, là-bas, il y a la rue de l'Horloge, vous la connaissez, elle n'est pas très loin de votre QG. C'est pour vous donner un peu de contexte dans le monde dans lequel vous vivez. La rue de l'Horloge, typiquement, voilà, les pauvres, ils auraient dessiné une horloge. Eux, ils accrochent des énormes horloges, en fait, à leur maison pour montrer, voilà, on a de l'argent et on peut se permettre de faire ça. Du coup, il y a une rue complète avec des maisons, avec des horloges dessus. Voilà. C'est plus ou moins en fait ces trois ambiances qu'il y a entre les riches qui ont juste des noms parce que voilà ils savent lire tant qu'à faire et les pauvres qui eux font des dessins avec de la peinture rouge qui est créée à partir de sang d'animal et voilà de l'autre côté il y a l'entre-deux qui en fait utilise les codes du coup de la base ville mais avec leur richesse pour montrer qu'ils sont bien riches quand même, faut pas abuser. Voilà, c'était juste le petit moment culture, toujours pour vous donner un peu plus de détails sur comment fonctionne un peu tout ça. Et vous arrivez petit à petit à trouver la rue Sissio, et ça vous frappe en fait en arrivant. En fait, la rue, c'est une rue qui appartient du coup au ministère de la guerre. Notamment parce qu'en fait, au bout de cette rue-là se trouve le bâtiment institutionnel du ministère. Ah. Et cette rue, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en ai parlé plusieurs fois, en fait, elle est juste en dessous, donc elle est vraiment dans l'ombre de cette énorme route, vous savez, dont je vous ai parlé. C'est un espèce de jardin très grand en béton qui surplombe Écrim au niveau de la haute ville, hein, qui est un endroit très hypé, très, très apprécié des gens de la haute, parce que voilà, tu vois la ville, et en plus, tu t'attardes pas trop sur les pauvres que tu vois juste l'étendue des crimes et là-bas il y a des jardins, etc. Il y a des plantes, ce qui est très rare. Et en plus de ça, il n'y a rien au-dessus, donc il n'y a pas d'ombre, hein, donc tu profites du soleil. Enfin bref, c'est l'endroit rêvé pour les riches, chose que ne peut pas se permettre tout le monde, parce que voilà, plus on descend dans la base ville, effectivement, et plus tu as tous les étages au-dessus de toi et plus il y a de l'ombre. Bref, du coup, cette rue-là est vraiment juste en dessous de cette énorme route, donc elle est totalement plongée. Ceci étant dit. Vous arrivez du coup rue Sissio. Qu'est-ce que vous faites ? Pour vous dire, il y a plusieurs bâtiments. C'est une rue hein, complète. Hein, donc il y a plusieurs bâtiments qui sont tous mitoyens. Quand ils ne sont pas mitoyens, c'est que ça permet de croiser une autre rue. Et il y a un peu de tout. Il semble avoir un peu de résidence, mais ça n'a pas l'air d'être très résidentiel. Ça a l'air d'être plutôt un quartier avec. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit café. Il y a 2-3 cafés d'ailleurs concurrents dans toute la rue. Il y a des petits commerces comme ça qui sont. Alors les cafés, c'est. Les cafés, en fait, c'est vos bars et tavernes hein, d'en bas, mais ils sont un peu bourgeois, donc... C'est... Nous, on... C'est pas et un bar qu'on doit aller voir, non ? Non, il n'y a rien de marqué. Parce que parler bar, rue Sissio. Il y a marqué bar ? Bar, oui. Ah oui, bar. Ça doit être un des cafés, sûrement. Est-ce qu'il y a un des cafés qui a l'air d'être plus gros que tous les autres ? Effectivement, et c'est celui-là qu'en fait qui est le plus proche du bâtiment institutionnel du ministère de la guerre. Très bien. Eh bien, allons boire un café. Allons-y. D'ailleurs, vous savez que le café est une des boissons les plus chères, parce qu'elle est très dure à faire planter, etc. Alors, elle existe, mais honnêtement, pour en boire, ça demande énormément de chance dans sa vie. Hein. C'est, on cacao, va boire une ça, bière, alors. Le café, ça malheureusement, la culture, ça, c'est pas aussi simple à faire que. On prend un poêle dans un jardin suspendu. On va boire une bière. Exactement. Du coup, vous y rendez, vous rentrez dans le plus grand bar. Yes. Très bien. Pendant ce temps-là, le temps que vous avez traversé tout ça, Esther, tu peux me faire un deuxième jet, voir comment ça se passe sur la. Alors. D'ailleurs, pendant que je construis ça, donc j'imagine que du coup, Benedagi va, enfin Sophia va forcément s'en rendre compte au bout d'un moment, quand même. Oui. Coup, pour l'instant, ça, parce que t'es, comme je te disais, t'es dans l'étape conception, c'est mental. Mais c'est vrai qu'à un moment, tu vas arriver avec tes outils, tu vas aller chercher les ressources. Hein, elle va se dire bon. Oui, ça c'est chose. En conception. Du coup, hésite pas à me dire lorsqu'on rentre vraiment dans l'étape construction pure. Puisqu'à ce moment-là, sans doute que du coup, je lui expliquerai un peu plus la situation, j'ai prévu deux, trois trucs. Ok. Il n'y a pas de soucis. Je... Honnête, bon, je vais te le dire, en fait, c'est quand tu arrives à 5, 5 de marge, là tu es à 3 en tout, sur tes jets. Donc quand tu arriveras à 5 de marge, tu passeras du coup à l'étape où tu as conçu. Et après, il faudra que tu refasses un nombre que je te dis pas de réussite pour réussir à le faire. Et du coup, je t'en parle maintenant, c'est tant qu'à faire, ça te donne un peu de jeu. Là, tu finis la conception, après, tu vas chercher les matériaux nécessaires. Donc ça peut te demander que c'est quand même ça un peu de temps, je pense une heure ou deux le temps de faire le trajet. Et après, bah évidemment, tu arriveras à conception avec tous les outils. Donc à toi de me dire si tu préfères lui en parler avant que tu ailles chercher les matériaux ou après une fois le fait accompli. Je pense que je lui en parlerai lorsque je les aurai ramenés. Ok, parfait. On fera ça comme ça alors. Du coup, si tu n'as rien d'autre... à faire en plus de ça, je repasse à nos compères. Vous rentrez dans l'énorme bar, enfin café, excusez-moi, dans l'énorme café dans lequel vous avez tapé en mine, effectivement, c'est blindé, tout simplement, de membres de l'unité de guerre de Venise. Donc, vous savez, dans ces unités-là, par exemple, il y a les crépusculaires, si je ne me trompe pas de nom, dont je vous avais déjà parlé la dernière fois, qui était, par exemple, l'unité qui aurait été appelée, c'est une milice privée du ministère de... non, pas du ministère de la guerre, excusez-moi, je dis n'importe quoi. C'est une milice privée de la préservance, qui est plus ou moins, en fait, ce qui remplace dans Venise le ministère de l'urbanisme. Et cette milice privée, par exemple, c'est ce qui aurait dû intervenir s'ils auraient voulu tuer tout le monde dans le quartier des usines de sud de Venise pour éradiquer l'épidémie. Voilà. C'est ce genre de milice et d'unité... d'unité qui, du coup, se trouve à l'intérieur, et c'est ce genre d'unité que gère le ministère de la guerre. Ce genre de ministère de la guerre, effectivement, ça gère une armée, mais il n'y a plus de guerre depuis la guerre d'Acrimonie, et normalement, on fait en sorte que la toile devienne un territoire de paix, mais vous savez ce que c'est, la paix n'a qu'un fil. Vous rentrez donc dedans, voilà, vous passez ces unités, souvent, ils sont quand même regroupés entre eux, voilà, en discuter. Il y a très peu de personnes vraiment solitaires, il y en a quelques-unes, malgré tout. Qu'est-ce que vous... Alors, Kornilov, je te proposerais de faire comme si de rien, de ce que j'ai compris sur la plaque était noté que quelqu'un avait besoin de parler, et que je pense qu'on dénote un petit peu de la population qui fréquente ce bar. Donc je te propose d'aller boire, de se mettre à une table où genre il y aurait trois chaises, un truc comme ça. Et juste se mettre et s'il y a quelqu'un qui vient pour demander notre commande, on dit juste qu'on a besoin de parler et qu'on vient pour boire un verre. Et si quelqu'un doit venir nous parler, il se manifestera, je pense. Parce qu'en soi, on sait pas ce qu'on doit faire, parce qu'il y avait que ça. Donc... Oui, c'est exactement le genre d'approche que j'allais proposer de prendre de toute manière. Donc c'est parfait. Nous rejoignons. En accord stratégique. Voilà. C'est bien, c'est bien. Eh bien, vous vous asseyez. Et assez rapidement, un petit serveur en UPN avec une fine moustache qui finit en petite comment on appelle ça déjà comme l'animé c'est Gossel. Évidemment c'est ça ouais non mais oui je... bon désolé ouais. Pour les gens qui écoutent et qui n'ont pas l'image, nous on se voit. Voilà, ils ont des. Ça finit en tire-bouchon. Voilà, en tire-bouchon. Ouais. Voilà, un langage soigné dans les crimes, bien entendu. Et du coup, voilà, il arrive vraiment bien. La barbe vraiment bien taillée comme ça, les cheveux courts brossés sur le côté. Enfin voilà, vous sentez la personne vraiment bien habillée. Vous n'êtes pas tant surpris que ça, hein. Vous avez quand même vécu plus ou moins entre la haute et la basse ville, mais il n'empêche que c'est vrai que ce dernier mois basse ville quand même vous d'ambiance et de de gens que vous croisez. Et ce dernier, voilà, vous demande gentiment voilà, ce que vous voulez commander. De ce que j'ai compris, vous répondez que voilà, juste une boisson. Juste une boisson quelconque. Si vous voulez savoir à peu près les prix des boissons. Bon, je vais être honnête. Vous savez que ça coûte un peu cher. Parce que, évidemment, vous êtes dans un endroit bien huppé. Donc, du coup, vous payez un peu le. Vous payez un peu le sou, quoi. Donc, du coup, un verre de whisky, ça coûte ici 12 liges. Quoi ? Ok, je pense qu'on voulait pas du coup prendre de whisky. bon, après, je comprends pas, c'est seulement 3 mois de salaire pour un ouvrier, ça va. Au bout d'un moment, ça, il faut arrêter de se plaindre. Du coup, il vous propose peut-être un, pour quelque chose d'un peu moins raffiné, peut-être un verre de rhum à 10 liges. Toujours pas. Bon, il commence à comprendre un peu à qui il a affaire. Bon, écoutez, je peux vous offrir bon, du vin au prix de 6 liges. Bon, passez-nous le truc qui a le moins haut dans votre liste, et puis voilà, quand il dure pas. Et bah, très bien, je vous apporte un cognac au prix de 1 lige. Ouais, c'est pas donné, hein, cette histoire. Alors, non. C'est effectivement, en plus, vous qui avez travaillé dans un passé. Ah, c'est vrai que il me semble que. Notre cher Victor était pas là, mais bon, Kornilov, toi tu y étais, tu as travaillé dans une histoire de fabrique d'alcool, j'ai oublié comment on appelle ça, du... Distillerie. Oh, voilà, une distillerie, merci. Voilà, tu vous avez appris un peu les alcools de pauvres, etc., voilà, avec les absinthes pour une hurle ou deux, la bière pour 6 sous. Voilà, là on commence à vous arriver avec voilà, des verres à 10 liges, évidemment. Vous n'êtes pas si surpris que ça, surtout que vous allez dans le service, il y a sûrement un ou deux liges en plus, hein, mais ouais, t'as vraiment une vision de là où tu vas boire habituellement et la bourgeoisie qui adore. Bon, enfin. Ouais. Tout ça pour dire qu'il vous amène du coup un petit verre de cognac qui vous a coûté un lige chacun. Donc, si vous ne le notez pas sur une feuille, moi je le note. Génial. Donc il reste 6 liges à Victor et 4 à Kornilov. Et après, il vous ramène ça après quelques minutes. Et vous commencez à attendre un peu du coup qu'une troisième personne vous rejoigne. On discute. Pendant ce temps-là, effectivement, vous discutez entre vous. Si tu veux rajouter, je reviens à toi dans quelques minutes, parce que Esther n'a pas non plus énormément de choses à faire. Donc Esther, si tu veux faire ton jet, voir comment tu évolues, dis-moi. Oh. 10, 13, 18. 18, bravo. Très bien. Eh bien, du coup, ta conception mentale, elle est finie. Là, il s'est quand même passé une bonne heure, voire une bonne heure et demie. Et t'es plutôt en fait vraiment satisfait de l'urine auquel t'es allé pour vraiment visualiser la chose. Tu pensais que ça serait beaucoup plus complexe et beaucoup plus long, mais tu as été très efficace, et notamment là sur cette dernière demi-heure où t'as vraiment tout donné. Et du coup voilà, tu peux être fier de toi, tu es plutôt bonne, vraiment bonne là-dedans. Peut-être que je monte le nombre de fois où tu viens de réussir ce jeu, qui est quand même pas mal. Du coup, tu as fini à conception, tu vas devoir t'absenter une heure ou deux, tu peux prévenir Sophia si tu veux, parce que voilà, il va falloir que tu ailles faire acheter du coup les matériaux. Alors, je te pose la question pour le temps que moi je regarde mes fiches en même temps. Est-ce que tu poses. Enfin, est-ce que du coup tu préviens Sophia que tu t'absentes ou tu dis. Enfin, oui, en effet, tu t'absentes juste. Quelques instants et ben, je reviens juste après. Très bien. Je voudrais prendre un bras pour toi. À son habitude. Elle va m'accompagner peut-être. Je sais pas si elle veut vraiment rester tout le temps à l'intérieur. Ou si ça... Bah. C'est vrai que toi, tu l'as pas tant vécu, parce que c'est vrai que la personne à qui elle passe le plus de temps, c'est Kornilov, qui lui passe toutes ces soirées-là, donc forcément, enfin, au bout d'un moment, il a commencé à lui parler, parce que quand même, ça aurait été très bizarre sinon, et au moins directement, par conversation, c'est vrai que tu sais par Kornilov que Sophia a un peu, depuis... étrangement qu'elle est venue dans un état de panique post-traumatique, elle semble être très craintive en fait de l'extérieur et elle se satisfait qu'il est vraiment. Elle n'est pas venue par chez vous en vous considérant pas. Voilà, vraiment, le choix fait sens dans son comportement. Si tu lui proposes, d'ailleurs, je vais faire un jet pour voir si elle accepte, mais si tu lui proposes, elle va quand même considérer la question, parce que tu es quand même une figure rassurante. Et puis, il y a eu cette intrusion un peu, on ne sait pas trop le matin, ça la rassure un peu moins. Ouais. Et j'ai éventuellement un argument à lui soumettre si jamais elle semble dubitative. Tu sais, si elle semble hésiter, c'est à peser le pour et le contre. Si jamais elle a l'air contre, bon, bah, pas de soucis, mais. C'est sûr qu'elle hésite. Donc tu me dire ce que t'en dis, c'est que si jamais elle a peur d'être reconnue, on a toujours quelques déguisements à l'étage vu qu'on en avait acheté. Peut-être qu'il y a 2-3 trucs qui permettraient de la. Effectivement, ça a l'air d'être. Je sais pas s'il y avait du rab exactement, tu vois, mais je veux dire, j'imagine que les déguisements, si on les remet sur elle, ça fait pas pile poil la même personne. Peut-être qu'il y a moyen de. Je sais pas ce qu'on avait exactement, si on avait des choses. Vous avez eu plusieurs costumes, 4 exactement, parce que vous étiez 4. Hein. Donc, non, 3, pardon, excuse-moi, parce que. Oui. Bah, Hugo était pas là à ce moment-là, donc du coup, vous avez commandé 3 costumes. Donc, oui, même en soi, en échangeant les pièces, etc., effectivement, ce n'est pas bête. Et tu vois que ma proposition, quand même, lui plaît un peu d'être sûr de pas être reconnu ou quoi, même si elle se doute que tu vas pas descendre en plein milieu. De la guide de l'éventail avec elle, mais au moins elle est sûre, tu sais, sur la malchance, tu vois, genre le vraiment on part là, et puis comme par hasard, il y a Harry qui est là-bas, Harold, hein, Harold, c'est le même prénom, je rappelle, qui vous verrait, enfin voilà, vraiment être sûr, mais oui. Du coup, ça lui plaît, et c'est moi, oui, effectivement, hop, excusez-moi, bah, allez. J'ai des joueurs, ça sert à ça. Quelqu'un me lance, s'il vous plaît, 3d6. Alors, tu fais 3, l'addition. 1 et, 3, 1 et 2. 1, 2, 3. Très bien. Ça fait donc 6 au total. Je fais un jet un peu particulier, mais c'est juste parce que j'avais... je vais être honnête, je n'ai pas créé une fiche pour tous mes PNJ non plus. Donc, je compense comme ça. Très bien. Et bah, du coup... Plus le bonus du coup accordé par Esther, elle accepte, ça lui faire du bien de sortir un peu en se sachant protégée. Du coup, tu vas pouvoir l'emmener avec toi et au moins nous assurer qu'il arrive pas malheur. En plus d'acheter la ferraille, j'en profite pour l'emmener s'il y a un petit marché, un petit truc comme ça. Tu sais, pour j'imagine que ça lui fait du bien de sortir un peu. Quand même. Ah bah du coup oui. Vu que t'es là, vu que tu la rassures, oui. De rien et puis. Avez-vous des projets pour l'avenir quelconque une fois que vous aurez quitté la ville ? Oui. Évidemment, mon projet le plus court terme, vous l'avez dit, c'est quitter la ville, mais je comptais vraiment m'attarder sur les travers. Je sais que c'est une zone un peu hostile, mais j'aime ce qu'elle propose. Et je dois avouer que je suis un peu curieuse de ce que peut proposer. Certaines communautés. J'aimerais m'éloigner évidemment le plus possible, donc j'ai évité les empires trop proches de Venise. Je n'aimerais pas tomber sur des connaissances par hasard. Et du coup, évidemment, en termes de distance, c'est visiter le Gloriana qui m'intéresserait. Il est un peu séparé après tout du reste de nos... Oui. De nos traverses, et... Je pense que là-bas, je pourrais... Mais je sais que ça sera un très long trajet. Déjà, arriver là-bas sera une bonne partie de ma vie, je pense. Oui, sans doute. Oui. J'ai moi-même vécu sur les traverses pendant mon enfance, et je dois en avoir gardé plusieurs souvenirs. En effet, même si l'endroit est un peu hostile, il y a pas mal de choses à en tirer. Ah, vraiment, vous avez vécu. J'ai pas parlé au niveau notamment de l'Antipoli, d'où étaient originaires mes parents. Ah, alors vous avez été plus ou moins voisin, j'ai envie de dire, avec le Gloriana. Oui, et je m'y suis même rendu déjà plusieurs fois. Oh. Tu vois, quand tu dis ça, là, les yeux qui s'illuminent, tu vois, qui pétillent, vous... Vers quelle zone du Gloriana? Londres ainsi que Camelot. Ce sont des coins vraiment magnifiques. C'est vrai qu'ils ont quelque chose de à part comparé aux autres pays tels que... On parle de pays, hein, c'est bien ça? Oui, ou d'empire. Ouais, aux autres empires, tels que l'Antipolie ou la Pentapolie, qui forcément se trouvent côte à côte, ont leurs influences qui se voient de plus en plus mélangées. Donc si en effet vous souhaitez, là je baisse un petit peu le don, disparaître, c'est bel et bien un endroit le plus à propos. C'est... J'en rêve. J'avoue avoir hésité aussi avec la Dornanie qui est aussi un peu séparée, mais j'avoue, ce qu'on en dit des Nordaniens, ils ont la piraterie, ce genre de choses, ça me fait un peu peur. Je suis pas aventurière. Et là où la classe glorianienne a une réputation qui s'étend à travers tous les empires jusqu'à Venise elle-même. Ah oui. Ben, c'est la reine de fer, c'est quand même quelque chose. Tu vois, de l'ouest à l'est de l'Istanie, j'imagine que n'importe qui a déjà entendu parler des célèbres villes glorieuses. Tu vois que la conversation continue et tu vois que t'as trouvé le bon sujet vraiment pour la détendre et ben l'amener à discuter. Et du coup, t'arrives à la voir plus détendue et peut-être pour la première fois vraiment. Vraiment détendu, tu vois, sans être vraiment sur ses gardes, comme tu l'as toujours un peu, du coup, connu depuis. Tu arrives à avoir un instant avec elle, du coup, de sincérité, et du coup, vous allez rentrer plus ou moins dans le temps avec, du coup, les matériaux qu'elle va t'aider à porter, qui puisse. On en profite, j'imagine, aussi pour faire un petit tour sur le marché et prendre deux, trois trucs qui traînent. Toi, c'est sympa, histoire de faire une petite balade aussi. Sinon, je sais que j'aurais pas fini ce soir. Donc... Oui, puis vous pouvez prendre un peu de quoi manger, des ressources, histoire de ressortir un peu des mousses que cuisine énormément bien. Attention, je ne critique pas Kornilov habituellement. Y a-t-il quelque chose qui vous ferait plaisir? Ce n'était pas une critique. Pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. Y a-t-il quelque chose qui vous ferait plaisir en particulier? Dis-je devant les étals qui s'étendent devant nous. Je dois avouer, ça fait un petit moment que... Enfin, je loin de moi de critiquer les repas que vous me donnez, qui sont déjà d'extrêmement haute qualité, mais vous savez, mon père, étant un peu riche, il m'apportait de temps en temps, pour le seul contact, qui m'apportait un peu de viande, et ça fait bien longtemps qu'on n'en a pas mangé. Et... J'avoue, une viande autre, même du rat, à vrai dire, hein, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Avez-vous déjà mangé de l'albâtre caramélisé? De l'albâtre? Non, jamais. Eh bien, enfin, l'albâtre est trop... Vous avez peut-être amené à goûter sur les traverses. Si vous êtes capable de me cuisiner ça, je serai aux anges, vraiment. Enfin, c'est plus que ce que je n'ai jamais mangé. Je crois le plus que... Oui, c'est un fulige, je crois, la plus grande viande que j'ai goûtée. Non. Eh bien, plutôt que vous la cuisiner moi-même, j'allais vous proposer d'en acheter déjà faite à un petit traiteur qui se trouve à quelques rues d'ici. Voyez-vous, vu que j'ai moi-même grandi sur les traverses, j'aime m'y rendre de temps en temps lorsque la nostalgie me prend. Eh bien, avec joie, je dois vous avouer... Faites preuve d'une grande gentillesse. Je serais vraiment reconnaissante à vie. Je lui souris en retour. Parfait. Du coup, vous allez vous rendre là-bas. Je vais me retourner sur les deux petits loustiques qui attendent au bar, hein, buvant leur cognac à très petites gorgées au prix qui coûte. Malheureusement, Victor, si tu bois ce rime-là, je peux te dire que tu es pauvre immédiatement. Mais c'est bien, hein. Tu peux vouloir si tu veux, hein. Si tu veux tu peux, hein. Mais tu n'as que 6 lits sur toi. Non mais ça dans va aller, lits, ça c'est va fini. Aller. Ça va mais aller, tu ça as le droit, hein. Aucune interdiction. J'imite mon camarade Kornilov. vraiment du bout enfin, de la langue. Des lipés, des... Au bout d'un moment, vous voyez que bon, il y a toujours personne qui vient vous. Ça va faire bah, du coup un bon moment, une petite demi-heure que vous êtes là, on va dire, en termes d'ellipse, du coup. Mm-hmm. Et vous commencez à trouver quand même que c'est un peu long, et le serveur commence à vous regarder un peu bizarrement, mais vous n'êtes toujours pas fini, enfin, il faut quand même qu'on gagne de l'argent. Du coup. Comment vous réagissez par rapport à ça? Excusez-moi, j'ai l'oc. Il y a qui se lève et... Bon, c'est qui veut parler, là? Ah, tu peux hein? Non, non, ça va. Je la pas... donne discrétion. Pour une blague qui était 100% discrète. Non, on va éviter de gueuler. Non, je pense que... Ok, je pense que j'ai un plan pour montrer qu'on est vraiment là pour parler sans avoir à le dire. C'est que je vais aller refaire signe au gars qui nous amène à boire, mm-hmm. pour qu'il se ramène. Il vient, hein, toujours avec ses petits gestes bien manérés, on se comprend. Et du coup, avec énormément, mais énormément de regrets, je lui passe 3 liges et du coup, je demande 3 verres. 3 nouveaux verres du coup. Oui, bon, je vais finir le mien d'un coup du coup. Parce que... Très bien. Du coup, je note pour information, il ne te reste plus qu'une seule lige. Ouais, je sais. Si ça marche pas, bah, j'abats tout le monde dans ce café. Note OMJ, faire marcher la technique. Très bien. Du coup, bah, tu vois que tu demandes 3 verres, lui tout souriant. En mode, ah, ravi de savoir que vous allez avoir de la compagnie. Du coup, voilà, il va vous chercher ça et il t'apporte 3 verres du coup de cognac que tu as payé. Pour savoir, est-ce que vous êtes des habitués du cognac ou pas? Là, vraiment, c'est une question qui sert uniquement dans votre background pour savoir, voilà, si votre personnage est plutôt bah, bière de contrebande de type, bah, justement, bière. Ou, je ne sais plus, c'est quoi déjà le truc le moins cher? Le truc le moins cher qui coûte encore moins cher de la bière, c'est le l'absinthe. Oui, parce que voilà, c'est fait en contrebande. Ou est-ce qu'il est un peu plus habitué à ce qui est un peu plus raffiné? Et dans ce cas-là, cognac, porto, vin, whisky, tout ça. Voilà, je voulais juste savoir. C'est et plus bien, pour le background, pour savoir. Eh bien, moi, venant des traverses et ensuite étant habitué de la taverne du Hurleur qui est chez les pauvres avec de la contrebande, je pense que le cognac n'est pas forcément dans ce que je bois le plus souvent. Effectivement. Moi, on va dire que oui. Étant donné que je viens d'une famille qui tout à fait. A entre guillemets des moyens et que ça m'est déjà arrivé d'avoir entre les mains un millésime et une bouteille de qualité, donc ce genre de choses, on va dire que j'ai déjà eu l'occasion d'en boire sans avoir à faire. Oui, et puis, en plus, ça, le cognac, c'est pas vraiment le truc le plus cher. Hein. Vous avez vu le prix du whisky. Bon, après, ici, les prix sont vraiment sûrement gonflés parce que voilà. Je veux dire, en dehors de ça, bon, ça coûte quand même cher le whisky, vous le savez. Mmh. Mais du coup, oui, ta famille a dû sûrement pouvoir acheter du cognac par tu sais pas combien de dizaines et voilà. Faire des bonnes soirées avec. Du coup, ok. Bon. Et bah, du coup, bon, pour Korniov, c'est vrai que. Bon, je dirais pas que ça pique, parce que si jamais t'es un peu habitué à l'absinthe, bon, on va pas se mentir, l'absinthe c'est quand même plus puissant. Mais bon, c'est pas forcément du coup à ton goût. Vous êtes là, le troisième verre, vous êtes. Et au bout d'un moment, il y a une personne. Une. Vous lui donnerez la trentaine. Hein. Mais une trentaine assez passée, mais pas non plus la quarantaine. Vous voyez, c'est vraiment l'entre-deux âges. Et qui du coup s'assoit à votre table et qui se rapproche. Oh, vous, c'est et tu vois qu'elle indique le en fait, simplement le verre du dos. C'est pour parler. Vous avez besoin de. Vous avez besoin de parler. Mais ça fait 2 ans que j'envoie cette plaque. C'est les premières personnes qui sont. Ça ne doit pas être très urgent, alors si ça fait 2 ans et vous continuez. Pas très urgent, mais je vous prie. Je tiens à dire quand même que Je trouve que c'est certes pas urgent, certes pas important, mais ça l'est pour moi, vous savez. Tu vas m'occuper. Vous savez ce que c'est, quoi. Oui. Ouais. Non, enfin. Je dois vous avouer, un peu plus accueillant, mais je. Nous sommes là pour parler avec vous, nous sommes là. Dites-nous, ouais, ça, dites-nous ce dont vous aimeriez parler. Eh bien. Vous savez, il y a 2 ans, j'ai perdu. J'ai perdu ma femme. Vous savez, c'est une affreuse affaire de... J'ai oublié ce terme, c'est incroyable. Excusez-moi. Vous allez y retrouver. Prenez un peu de cognac, ça va vous faire du bien. Oui, prenez. Cognac, ça va m'aider à me rappeler. Voilà, c'est vrai. Voilà. Prenez ça. Pas si fort que ça après. Non, mais attends. Pourquoi j'ai un trou? Oui, maintenant que j'ai bu ce magnifique verre de cognac, merci beaucoup. J'en ai bu que la moitié, vous inquiétez pas, vous ne perdrez pas un nouveau lige maintenant. Un accident de échassier, tout simplement. Elle devait traverser les territoires mongols et pour une histoire de repérage. Et voilà quoi. Enfin, c'est. Elle est tombée dans les crimes, ces gestes-là sont fondus. Et... Uh-huh. Voilà. C'est horrible. Oui, c'est terrible. C'est un métier difficile, échassier. Oui, vous avez déjà eu affaire à des échassiers ? J'ai été échassier. Vous avez été échassier ? Oui. Véritablement ? Oui, véritablement. Dans mon pays natal, Olensk. Waouh ! Eh bien, j'en suis surprise, vous avez jamais eu d'accident de... J'avoue que c'est arrivé à un ami proche, en effet. Lui aussi, il est tombé dans les crimes. Oui, il est tombé. Je suppose qu'il n'a pas survécu, lui non plus. Vous comprenez ma peine. Et donc, je la comprends parfaitement, en effet. Ça change, ce genre d'événement, ça change une personne. Et alors, vous n'avez pas fait cette plaque uniquement pour nous dire que votre femme était tombée dans les crimes. Il y a forcément autre chose. Oui, je peux vous parler du fait que le ministère de la guerre veut plus me donner la bourse pour seulement pour compenser sa mort. Je vis sans le sou. Et donc il voudrait que nous intercédions en votre faveur pour qu'il vous redonne cette bourse. J'avoue, j'y avais pas pensé, mais si vous pouvez faire ça, ça serait. Je sais pas. Si gentil. En quoi d'autre on aurait pu être utile à part ça? J'ai besoin, vous savez, d'une oreille prête à être tendue, un geste humain. Ok, donc en gros, vous avez vraiment voulu juste qu'on soit là pour que vous puissiez parler. Excusez-moi, on peut pas dire que le ministère gère bien le côté relationnel et j'ai réussi à faire placer cette plaque et depuis je le fais tous les quelques teintes de ça. Quel est votre nom? Je m'appelle Pardon? Elsa. Elsa. Et votre femme? Elle s'appelait Carlotta. C'était une Vénitienne, elle aussi. Elle était née ici, elle est morte. Je comprends votre peine, ne vous inquiétez pas. Je vais tenter un mouvement d'aller poser ma main sur la sienne en réconfort pour son deuil. Tu vas me faire, s'il te plaît, un petit jet. Un jet de quoi? Un jet. Deux, laisse-moi juste ressortir une fiche parce que j'ai tout qui s'est fermé. Le fameux jet. Pour l'exploser. Attends, c'est en social, ça j'en suis sûr. Ah, honnêtement, je dirais faconde, hein, parce que tu es quand même dans une démarche, mais même si c'est de la faconde bienveillante, hein, et comme d'un côté, il n'y a pas beaucoup de compétences, je suis obligé d'élargir à chaque fois. Donc je dirais faconde. Ouais, ça me va. De toute façon, t'as pas le choix. C'est un 8. Eh bien, tu poses délicatement ta main. Tu n'es pas du tout assuré à ce que je comprends de ce geste-là. C'est vraiment... Bah, il faut dire que je suis dans la même pièce qu'elle, cause depuis seulement... Oui, non, mais, oui, véritablement. Ça fait quelques minutes qu'elle vient de s'asseoir, qu'elle commence à discuter. Et tu vois, tu arrives à poser ta main et elle pas trop réagir, si ce n'est qu'elle saisit son verre de cognac et le finit. Commençant à sangloter. Je suis assez gêné par ce qui se passe. J'avoue que je suis un petit peu démuni de la situation, surtout si elle se met à chialer. De voir ce ne sont que des sanglots. Ce ne sont enfin, si elle se met à même avoir des sanglots, ça, c'est voilà, c'est un peu démuni, et surtout de voir Kornilov qui commence à mettre sa main sur la sienne. Même si c'est en réconfort, sur l'épaule. C'est sur sa main ou c'est sur l'épaule que t'as mis Sur l'épaule, il me semble. Toi, t'avais dit sur quoi? Moi, j'étais parti sur la main en réconfort. Ah, tu vois. C'était pas du tout dans une idée. Oui, dans une autre idée, mais ça reste dans. Enfin, pour ça, j'avais compris l'épaule, mais parce que ça reste dans cette même idée. Oui, non, mais ça, je l'ai bien compris, hein, que c'est du réconfort. Oui, non, mais ok, pas de souci, c'est sur la main, c'est de ma faute, Mais, mais bon, voilà, moi, je suis pas forcément parti pour ça, mais. Écoutez, on peut toujours essayer de voir ce qu'on peut faire pour vous de notre côté, si ça peut. Vous aider en quoi que ce soit, mais je pense que l'idéal serait peut-être de faire vraiment votre deuil et de penser à vous et de commencer autre chose. Vous ne pouvez pas vivre éternellement dans le passé. Je comprends. Je travaille dessus. Je pense que si Carlotta pouvait vous parler, elle vous dirait de penser à vous, que vous avez la vie devant vous. Mmh. Et il ne faut pas vous morfondre et la pleurer. Très bien. Alors, c'est gentil aussi. Si vous arrivez à parler au ministère de la guerre sur cette bourse, je serai redonné. Je vous dirai un secret. Pardon ? Je vous dirai un secret. Un secret ? Écoutez, nous verrons ce que nous pourrons faire. C'est gentil. Si jamais nous parvenons à faire quoi que ce soit, on peut vous retrouver ici même. Ici. Oui. D'accord. Bien. Je m'assois toujours à gauche au comptoir. Cet alcoolique notoire. C'est tellement triste. Eh bien, Elsa, nous allons faire ce que nous pouvons et essayer de faire ce qu'on peut pour vous. Et puis, je peux vous poser une dernière question. Mm-hmm. J'ai vu, cher monsieur, elle t'indique du doigt, Victor. Vous touchez moins votre cognac. Que votre ami, vous voulez que je le finisse pour vous? Vous savez, je pense que il est mieux pour, il serait meilleur pour vous de ne pas trop abuser de ce genre de breuvage. Oh, je suis très raisonnable, je promets. Bah, vous avez déjà bu votre verre et probablement celui de mon camarade. Je pense que, voilà, étant un petit connaisseur de ce genre de breuvage, que il serait plus... comment dirais-je, ce serait mieux pour vous de ne pas abuser. Rentrez chez vous et allez vous reposer. Très bien, je pourrais faire de mieux. Très bien. Écoutez, merci pour tout et je serai là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Tu vois, qu'elle se lève, qu'elle retourne au comptoir. Évidemment. Je finis mon verre de cognac quand même. Tu finis ton verre de cognac. Eh, ça suffit, ouais, tu vas pas me rembourser. T'as vu le prix que ça coûte. Eh, hey, connasse. Et bien, avant de savoir quand vous repartez, tout ça, enfin, ce que vous allez faire, vraiment, Esther, de ton côté, du coup, voilà, tu viens de rentrer avec... avec Sophia. Je te dis que en tout, pour les achats, tu as eu besoin quand même de pas mal de ressources, voilà, notamment de systèmes, et le fait que ça marcherait mieux avec quelque chose de très fin et pas très dur. Et donc, tu vas avoir besoin, pas beaucoup, hein, mais tu as eu besoin un peu de bois, alors pas de vrai bois, bien entendu, sinon ça serait pas du tout dans tes finances, mais vous savez, c'est du... C'est du faux bois fabriqué à partir en fait de fibres de fleurs d'écrime. Et donc du coup, voilà, t'as pu t'acheter ça un tout petit peu, parce que t'en as juste besoin vraiment pour une pièce mécanique particulière. Mais du coup, en tout, tu peux t'en tirer pour 4 liges, hein, pour tous les matériaux, sachant que t'en as acheté pas mal quand même, parce que bah, ça demande beaucoup de... Oui, forcément. Plus de matériaux que... En interne, fois, forcément, il va y avoir beaucoup plus de trucs. Qui étaient vendus avec. Ouais. Exactement. Et donc du coup, ouais, t'as eu 4 liges en moins, donc t'en avais 10, donc il t'en reste 6. Ouais, si j'avais besoin. Ok, ouais, c'est bien ça. Et d'ailleurs, vous savez que, vu qu'il y a un mois qui est passé, normalement votre prochain salaire devrait pas tarder non plus à tomber. Enfin, votre salaire de métropolitain, hein, pour les métiers d'à côté, vous verrez ça avec eux. Et du coup, moi je voulais surtout te poser la question, mais parce que bah, voilà, tu n'es pas passé dedans, quelles sont du coup bah, tes émotions, tes sentiments à l'heure actuelle? Alors que tu viens de rentrer, tu vois, t'es pas encore au boulot. Ouais. Et ben, mine de rien, en fait, j'ai apprécié cette petite journée à pas spécialement enquêter, mais simplement me balader et puis discuter avec Sophia. Ça donne presque un peu de peine de s'attacher à elle maintenant, ou là où avant c'était presque professionnel, quoi. En tout cas, jusqu'au moment où on l'a recueilli, évidemment. Et du coup, ouais, ça fait presque un peu de peine de se dire que finalement, du coup, elle va partir. Alors que finalement, bah, pour quelqu'un comme Esther qui est assez. Enfin, pour moi, du coup, qui est assez isolé du monde et qui n'a pas beaucoup de contacts hors professionnel, bah, finalement, je me dis que j'arriverai presque là à me faire une amie. Et puis, mine de rien aussi, ça m'inquiète. Je suis quand même un petit peu inquiète au-delà de ça, au-delà de cette espèce de... comment dire, bien-être actuel du fait, voilà, de m'être baladé puis d'avoir pu me consacrer aussi à ce que je fais de mieux, donc la mécanique. Il y a quand même aussi cette angoisse derrière, cette espèce d'épée de Damoclès de cette personne qui semble pouvoir rentrer n'importe où, tel un fantôme, et enfin, de se dire qu'on se sent un peu nulle part en sécurité, surtout quand on est seul. Tout à fait. Bien, parfait. Je te... Du coup, te mettre au travail, me faire un jet si tu veux de entrepôt mécanologique. Comme... Ah, yes. Avec tous les bonus habituels. Hein. 11 avec mes dés. Ouh. Plus 3, 14, plus 5, 19. Très bonne réussite. Hein. Très bonne réussite. Eh bien, tu te mets au boulot et tu sais exactement ce que tu veux. D'ailleurs, Sophia te propose. Bah, du coup de l'aide pour ce qui est de la technique, enfin vraiment voilà, tu vois, genre aide-moi à placer tel élément là, elle a évidemment pas les connaissances, donc elle est sous tes ordres, mais voilà, elle propose de t'aider si tu en as besoin. D'ailleurs, pendant que c'est fait, je suppose que tu finis par lui évoquer quand même la raison de ses travaux. Oui, bien sûr, bien évidemment. Ouais, je vous dis que la situation paraît finalement moins anodine qu'il pourrait n'y paraître, et qu'a priori c'était personne de nous, et j'ai bien peur qu'il s'agisse d'une personne relativement mal intentionnée qui voulait s'introduire ici. Pour une raison qui m'a l'air assez inconnue, on n'a pas spécialement de disques qui ont énormément de valeur ou qui révèlent des informations extrêmement privées. Donc j'arrive pas à savoir si la personne, pour quelle raison est-ce qu'elle est venue là. Mais bon, on peut assez aisément quand même imaginer deux, trois motifs qui sont bon, tous plus inquiétants les uns que les autres. Il semblerait quand même que votre présence les surpris, mais dans le doute, on va changer tout ça. Le bâtiment sera pas en sécurité pour aujourd'hui, à moins qu'on s'en sorte plutôt bien là tout de suite, mais... Bon. Dans le doute, j'ai récupéré un petit peu de matériel, que, en tout cas tout ce qui a le plus de valeur, et je le ramènerai sans doute ce soir chez moi pour qu'il reste en sécurité quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, j'allais presque vous proposer à vous et à Kornilov, si vous souhaitiez passer à la maison ce soir. Je pense qu'on sera tous mieux, plus en sécurité les uns avec les autres, dans un endroit un peu plus reculé avec le matériel, que ici à peut-être subir une nouvelle tentative d'effraction. Mais bon. Quand tu proposes... Bon, déjà, la première chose hein, qu'elle te dit, c'est quand même qu'elle est très contente que tu, voilà, que tu sois honnête avec elle vis-à-vis de ça. Ce qui du coup amplifie sûrement son côté, son sentiment de sécurité, parce que voilà, elle voit que vous la prenez quand même au sérieux, etc. Et quand tu dis voilà, je vais proposer aussi à Kornilov et à elle de venir passer la soirée, elle te demande quand même où est-ce que tu loges, hein, quel quartier tu. Bien sûr. Ben, du coup, je lui explique qu'en effet, j'habite un petit peu au niveau du quartier. Il me semble qu'on avait appelé le quartier des usines, non? Oui, c'est ça, c'est le quartier sud des usines de Venise. Au dernier étage, c'est l'immeuble qui surplombe mon ancien lieu de travail. C'est pas extrêmement luxueux, surtout pour vous qui êtes né de pourpre, mais né dans le pourpre. Mais je me suis aménagé un espace relativement confortable malgré tout. Sans doute plus qu'ici d'ailleurs, dis-je en pointant trois meubles battent en duel dans la grande salle. Je ne suis pas né dans le pourpre en soi. Mon père est devenu riche quand j'étais assez jeune, mais j'ai quand même vécu malgré tout dans la basse ville, et je crains, enfin je veux vraiment pas que vous le preniez mal, mais je ne peux pas vraiment accepter votre invitation, au sens où mon usine s'y trouve actuellement, et là-bas beaucoup beaucoup de gens me connaissent. J'ai énormément de contacts là-bas, j'ai tous les gens de mon usine, vous voyez ce que je veux dire, y compris certaines personnes dont vous avez croisé la route, et oui, vous avez raison. Et que je vous ai demandé d'éloigner de ma personne. Vous comprenez que je serais un peu mis à mal d'aller de retourner dans le quartier. Ce n'est absolument pas contre vous, hein. Je ne doute pas. Non, mais vous de avez la bienveillance de votre avis. On m'a peut-être fait illusion face à des inconnus dans la rue, mais là-bas les gens seraient capables de vous percer à la jour, et ne prenons pas ce risque. Oui. C'est ce que je crains. Avec Kornilov dans les parages, si quelqu'un s'introduisait ici pendant la nuit. Oui, Kornilov dort ici et est plutôt rassurant en termes de sécurité. N'en doute pas une seconde. À ces mots, je vais repasser du coup aux deux Lucie. aux deux métropolites qui viennent de passer un excellent moment dans un café, tout ce qu'il y a de plus charmant. Et vous sortez de là. Et je vais demander quand même à Kornieff, pour la forme, un peu, voilà, quels sont tes sentiments, tes émotions à l'heure actuelle. Tu n'es pas obligé d'avoir forcément un avis sur ce qui vient de se passer, juste de manière générale, tes sentiments. Il y a eu plein d'événements, hein, tu n'es pas obligé de t'attacher. Eh bien, mes sentiments du moment, je vais les ressentir et aussi les vocaliser à mon compagnon ici présent, c'est... Quelle putain de perte de temps. C'est pas faux. Voilà, et pour développer un peu plus, pour... le truc, c'est dire que, vraiment, je m'embête à essayer de motiver mes camarades à aller faire une mission. La première mission qu'on prend, c'est quelqu'un qui se fout de notre gueule. Qui est alcoolo. Qui me fait perdre tout mon porte-monnaie. Donc, je suis... je fulmine, je suis très énervé. Et tout ce dont j'ai envie, c'est de rentrer au QG et de passer à autre chose très rapidement. Voilà. D'accord. C'est très bonne émotion. Et justement, moi, j'allais vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant, tout de suite ? Moi, je veux rentrer. Bah rentrer, hein, ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Hein. Très bien, vous rentrez. Oublions peut-être un peu sur le chemin, déjà, les prénoms que vous avez entendus. Non, mais... Non, je voulais juste savoir vers quelle heure on était. Ah, honnêtement, avec le temps de trajet et tout, le temps caster, parce que j'essaie de gérer les deux temps en même temps, il doit être facilement 18h. Parce qu'il a fait le temps de monter, il y a eu le temps où vous étiez seul avant le premier contact. Ok. Ah, non, c'est pas logique si j'y vais comment et tout ça. Donc, oui, non, je vais rentrer au QG. Très bien, tu. Tu décides de rentrer au QG, enfin vous rentrez tous du coup au QG. Vous vous retrouvez, vous rentrez, vous voyez Sophia et Esther en pleine construction. Alors, plus Esther avec en seconde main Sophia évidemment, assistée de Sophia. Voilà, vous rentrez, vous voyez quand même que ça a énormément avancé, hein. Vous attendez pas à ce que Esther soit aussi efficace. Hein. Et il semblerait qu'elle soit quand même pas mauvaise vraiment dans cette histoire de construction. Vous comprenez peut-être un peu mieux les liens qu'elle a eu avec les usines, ce genre de choses. Hein, parce qu'elle a l'air quand même de vraiment bien s'en sortir. Et effectivement, tu t'en sors très bien au point que, pour être honnête, toi qui pensais pas finir ce soir, tu penses que si tu tardes un peu ici, tu as fini en début de nuit. Donc vers 23h, peut-être, tu peux finir ça. Surtout accompagné de Sophia, parce que du coup, elle t'esquive, la perd de quelques secondes sur aller chercher telle pièce, etc. Elle y va, et toi, comme ça, tu peux être concentré. Et du coup, vraiment, pour le coup, tu es méga efficace. Voilà, je vais être honnête, tu as fait un jet vraiment excellent qui a permis ça. Donc, tu peux être très fier de toi. Et bien, du coup, je me tourne vers elle et je dis « changement de plan ». Finalement, c'est moi qui vais rester. À la vitesse où on va, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Tu vois que ça l'a... Bah, ça l'a ravi, hein. De toute façon, plus il y a de présence, et mieux elle se sent. Parce que voilà, vous êtes quand même des métropolites, vous êtes... Et puis elle s'habitue à force, hein. Ça va faire quand même maintenant quelques temps qu'elle est parmi vous. Et du coup, elle commence à s'habituer à votre présence, etc. Et peut-être même vous commencez à vous y habituer. Dans tous les cas, c'est là-dessus qu'on va finir, excusez-moi, ce soir. Thank you.